Hey, Monsieur Labaneur, c'est un grand plaisir de vous recevoir, puis un grand honneur. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à quelques jours du gros événement K1 annuel. Qu'est-ce qui vous motive encore de performer? Parce que j'imagine que ça a soit évolué ou changé les sources de motivation de monter dans une arène. Ce qui change, c'est que dernièrement, j'ai fait un film à Montréal. Ça s'appelle Fatal Bazooka avec Mickey Youn en 2 mois. Je tiens le rôle le quatrième rôle important dans le quatrième rôle. Et donc pendant 2 mois, je me suis entraîné à Montréal avec quelqu'un qui s'appelle Firas, que vous connaissez, Firas du Tristar. Certainement. Firas, et puis Jonathan Schomberg. Et en fait, ça m'a redonné le goût, ça m'a redonné l'envie. Voilà. Ça m'a Ah oui, ça m'a redonné le goût, ouais, exactement. Jonathan Chandler, je pense, qui est un gars de préparation physique. Est-ce qu'il vous a. Bien sûr, c'est ce qui me manque énormément. Tu sais, au bout de 20 ans que tu fais la boxe, la boxe thaï, ou boxe anglaise, ou ce que tu veux, je me fais chier. Tu vois, j'ai 37 ans, 36 Oui. ans, là. À la fin, ça me. Je n'avais plus de conviction. Je me faisais chier, tu vois. Oui, je comprends. Donc, c'est pour ça qu'avec l'aide de Jonathan et puis de Firas, ça m'a remotivé, une équipe avec Georges forcément, que je connais depuis très longtemps, et ça m'a remotivé. Là, j'ai trouvé l'ambiance au Canada, enfin Montréal, super, une bonne équipe, et voilà. C'est le plaisir à l'entraînement, je pense, qui est revenu. Est-ce que c'est ça un peu? Le plaisir à l'entraînement, puis tu sais, d'arriver dans une salle où est-ce que les gens espèrent de toi quelque chose. David Loiseau, Denis Kang, tout ça, c'est des mecs. J'adore le parcours. Et puis, grâce à Georges, qui venait me chercher après le tournage, qui venait me chercher le matin et tout pour l'entraînement, j'ai trouvé ça super. Et j'ai vraiment trouvé un frère de guerre. On a entendu dire que vous allez revenir aussi pour vous entraîner à Montréal par après. Est-ce que c'est vrai? Écoute, ça fait depuis que le film est fini, ça fait depuis un mois. Je suis parti d'hier de Montréal, tu vois. J'étais hier à Montréal encore, ok. Je prends un hôtel juste à côté de la salle d'entraînement, et puis voilà. Donc je suis juste à côté de chez Jonathan et de chez Firas. Donc ce qui me permet de m'entraîner avec tous les mecs. Est-ce que vous avez, là, à court terme, des objectifs de combattre en règle de MMA? Vous l'avez fait un peu dans le passé, mais ouais. Là, est-ce que ça vous tente de vous lancer peut-être de manière plus claire en MMA? Franchement, ouais, avec Firas et puis Jonathan, on y a pensé. On a été contacté aussi par l'UFC qui va faire un truc bientôt à Montréal au mois de mai, tu vois? Oui. Voilà, après, c'est. Je m'en remets si on me dit ouais c'est bon, bah c'est bon et voilà quoi. Mais l'UFC est intéressé. Hein. Est-ce qu'on vous a parlé d'un adversaire potentiel déjà ou non, simplement non, non, début? Non, s'il ne veut pas quelqu'un qui me bloque au sol pendant. Il ne veut pas quelqu'un qui me bloque au sol, un lutteur qui va me bloquer et en fait ça va être un match à sens unique ou est-ce qu'il n'y aura d'échange debout. Ouais, voilà. Je pense que Fira c'est à son poids, à son mot à dire, et voilà quoi. Et moi, parce qu'en fait, je suis un petit peu dans le truc du team Firas et je suis content parce que c'est des gens sains et puis voilà, donc je fais ça par passion. Et si vous pouvez nous parler un peu peut-être de votre combat à venir, de votre participation au tournoi K1, de votre préparation vis-à-vis ça, si vous vous sentez en position de remporter peut-être ou... Tu sais, j'ai lu ce que tu as quand j'ai vu que tu allais m'interviewer, j'ai lu ce que les gens disaient. C'est les internautes, tout ça, qui comprenaient pas que j'allais m'entraîner dans un club purement MMA. Mais faut savoir que juste à côté du club, on s'entraîne aussi chez les frères Grant, d'accord, en boxe anglaise. Et donc les gens comprenaient pas pourquoi je partais plus m'entraîner en lutte. Il y en a un qui a trouvé un petit peu la réponse, c'est par rapport au 31 décembre, parce que il y a le dynamite. Et tu sais, un mec comme Shilt, ça fait 3 ou 4 fois qu'on se rencontre, j'y vais pas pour perdre. Là, franchement, honnêtement, pas du tout. Peut-être même plus pour gagner qu'autre chose. Mais, le tournoi, je m'en bats un peu c'est pas ce que je regarde en premier. Moi, je vais vraiment y rentrer dedans. Je voulais avoir de la condition physique. Je voulais avoir un mental à toute épreuve. Et puis surtout aussi préparer le 31 décembre. Donc je pouvais pas, on peut pas préparer un combat de MMA en 10 jours. Donc j'avais envie de me remettre dans le bain. Et tu sais, je fais ça depuis 20 ans, mec. Je fais ça depuis 20 ans. Donc j'ai besoin de trouver de nouvelles sensations qui me permettent de m'éclater dans ce que je fais. Et vous voilà. Me corrigez si je fais erreur, Monsieur Le Banner. Vous l'avez rencontré, je pense, à 3 reprises. Le géant. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Je ne sais pas si vous pouvez, si vous voulez. Tu sais, il faudrait que dans la nuit du 4 au 5, qu'une petite, une petite baguette magique me mette 20 cm en plus dans chaque bras. Donc, si j'avais 20 cm en plus dans chaque bras, je pense que je pourrais l'atteindre plus facilement. Oui. Et voilà. Mais là, je vais prendre plus de risques. Honnêtement, je vais prendre beaucoup de risques pour. Est-ce que c'est lui, le combattant, qui vous a donné le plus de frustration? Peut-être pas le plus dur physiquement, parce que vous avez. Frustration, oui, t'as tout à fait raison. Ouais, frustration, bien sûr. Ah, ouais. Oui, à cause de son allonge, parce que c'était un gars très prudent, mais vous, je pense que vous l'avez démontré plusieurs fois dans tous les combats que j'ai vus. Vous n'êtes pas le gars à gérer nécessairement. Oui, je te coupe de suite. Il y a avant la blessure et après la blessure. Moi, tu sais, je suis quelqu'un, je joue des arts martiaux, et je pense que dans les arts martiaux, on ne se ment pas. La pire des choses, c'est se mentir à soi-même. Quand tu dis que oui, le banner avant, il avait rien à perdre, il s'en foutait. Il prenait les risques qu'il fallait prendre, même des gros risques. Depuis le bras qui a pété, d'accord, les risques, je les prends quand même de moins en moins. Je suis quand même plus sur la deuxième et troisième que comme avant où je passais en sixième directement. Ce que je vais essayer que ça se passe cette fois-ci. Voilà. Ok, ça c'était en 2002, cette blessure-là face à Ernesto Houst. Ernesto Houst, ouais. À l'époque, j'allais m'entraîner aux États-Unis, je faisais l'anglaise avec Dom King, et à l'époque, j'étais imbattable. Maintenant, il est vrai que quand tu passes par la case hôpital, re-hôpital, ouverture du bras, casser le genou en faisant le con dans un film, tout ça, fait que je n'avais plus la motivation nécessaire. En allant à Montréal, en trouvant une équipe et des gens qui te regardent avec un œil différent, tu sais, ça a été vraiment sympa. Donc là, je vais me battre pour moi, forcément, mais aussi pour les gens... Que j'aime au Québec. Voilà. Et est-ce que vous avez idée de qui vous allez affronter le 31? Non, pas encore. Je pense qu'ils attendent de voir les blessures, tu sais, d'attendre les blessures. On sait souvent à la dernière minute au Japon. On sait souvent à la dernière minute. C'est pour ça que je voulais me préparer chez Firas, tourner avec Denis, et puis il y avait Rashad Evans qui devait venir aussi, tout ça. Donc c'est pour ça que je suis descendu. Voilà. Ce serait en règle de MMA, ce combat-là, le 31? 31, ouais, j'espère, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est un peu fou quand même. Vous allez avoir 37 ans, je pense, le 31 décembre, à court échéance. Le 26 décembre. OK. Puis moi, je suis persuadé, vous avez des bonnes chances, là. Je pense que tout le monde aimerait ça. Les Japonais, que vous remportiez ce gros tournoi-là, le 5 décembre, à court échéance. C'est clair. Écoutez, moi j'y vais pour ça. J'y vais pas pour faire de faire 3 rounds et puis prendre ma purse. J'y vais vraiment pour montrer que parce que j'ai deux mecs derrière que j'ai envie vraiment de faire plaisir. Je te dis, je me répète, c'est Jonathan Chamber. J'ai vraiment envie de faire plaisir et j'ai toute l'équipe de lutte qui est derrière aussi et Firas. Et j'ai vraiment envie de faire voir quelque chose de différent. J'ai envie d'essayer de regoûter à la sensation que j'avais. Gagné, perdu, tu vois, ce combat-là, je m'en fous, c'est pas ça. J'ai envie d'y rentrer dedans. J'ai pas envie de subir le combat et de jouer la carte de la science. Voilà. Vous avez retrouvé un plaisir en tournant. J'ai retrouvé le plaisir, ouais. En revenant à Montréal, j'avais plus du tout le plaisir, puisque je faisais les films et tout ça. Et j'avais plus le plaisir. Et en parlant avec Georges, qui venait me chercher, en parlant avec des gens et tout ça, rien que de monter la dernière fois avec le drapeau québécois quand j'ai combattu contre Musashi, j'ai trouvé. Après, tu sais, tu vois dans le regard des gens, tu vois dans la pupille des yeux des gens qu'il y a quelque chose ils attendent quelque chose de toi. Donc voilà, il y a pas besoin de faire des grands discours. Et je me suis dit tiens, j'ai trouvé une nation que en plus j'aime votre pays, honnêtement, j'aime beaucoup la nature de vos sentiments, et voilà, c'est pour ça que j'espère j'emporte avec moi dans la valise jeudi au Japon une partie de la fleur de lys. Et qui sera dans votre coin le 5 décembre? Il sera dans mon coin, en boxe taille, toujours les mêmes. Toujours pareil. Firas ne peut pas, parce qu'il y a Kenny, il part au Texas ou à Boston avec Kenny France, le mec de l'UFC. Oui. Et juste après, il y a peut-être Shane Carwin qui dénire à l'entraînement, donc il est vachement pris, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez l'intention, peut-être, comme plusieurs combattants qui s'entraînent au Tristar avec Firas Zabi, de peut-être faire un camp avec Greg Jackson éventuellement au Nouveau-Mexique? Exactement. Moi, je suis là pour eux, ils le savent. Il y a aussi des mecs que j'aime bien. Il y a comme Stéphane Vigneault, que j'aime beaucoup. C'est des mecs j'ai eu un plaisir à rencontrer, quoi, tu vois. Des mecs comme ça, tu vois. Ben, on a parlé à Stéphane Vigneault, puis il nous a dit qu'il vous a vu mettre les gants. Puis là, c'était vraiment un nouvel univers. Qu'en MMA, il n'y a pas vraiment de gars du calibre comme Jérôme Le Banner en position debout, forcément. Forcément, ouais, bien sûr. Non, mais ils ont plein de... En plus, je pense que Stéphane Vigneault, il a un mec que j'aime beaucoup. Il s'appelle Martin, qui va, je pense, lutter le week-end prochain. Et les gens viennent avec des combattants. Je trouve que c'est vraiment bon enfant, bonne ambiance. On se donne bien, et puis la locomotive, c'est Georges, c'est super sympa, ou Denis, voilà, moi j'apprends beaucoup avec eux. Rien quand, moi je sais que des fois quand je finissais les tournages à 6h le matin et que je devais partir à l'entraînement à 4h l'après-midi, parce que je retournais encore après à 8h le soir, des fois j'avais pas envie d'y aller, et Georges il me cherchait carrément chez moi, et ça j'ai trouvé ça très très... Très, très, voilà. Ça m'a touché énormément. Ouais. Monsieur Le Banner, on veut pas abuser votre temps, là, mais est-ce qu'on peut vous poser encore quelques questions? Vas-y, pas de problème, ça fait plaisir. Vous êtes très gentil. D'un point de vue technique, j'ai lu à quelque part que vous êtes un droitier, mais vous avez la garde d'un gaucher. Parce que j'ai commencé les arts martiaux par le judo, et après, comme je voulais faire du stand-up, j'ai acheté beaucoup de bouquins de Bruce Lee à l'époque. Donc le Jeet Kune Do, et parce que ma mère voulait pas que je fasse de boxe sportive, parce que mon père en avait fait et a trouvé ça que ça rendait les gens agressifs. Donc dans le garage, je m'étais placé une salle d'entraînement, et donc Bruce Lee, le Jeet Kune Do, disait que il faut mettre sa partie la plus forte en avant. Donc quand on est droitier, c'est le point droit, et quand on est gaucher, c'est le point gauche. Donc moi, étant donné que j'étais droitier, voilà, c'est pour ça que je suis inversé. J'imagine que c'est comme objectif, c'est parce que bon, la puissance est à l'avant, puis bon, le temps pour atteindre la cible est plus rapide puisque la main est déjà plus près de la cible. C'est ça. Est-ce que c'est devenu juste une habitude? Est-ce que vous êtes, avez-vous réessayé de revenir dans une garde plus conventionnelle ou vous vous plaisez comme ça? J'ai essayé comme ça à l'entraînement, mais une fois que à l'entraînement oui, mais sinon non, je me sens beaucoup plus avec en gaucher, quoi. C'est assez incroyable quand même, Bruce Lee qui est mort depuis quoi, 73, je pense à peu près, mais il a marqué tant de combattants, on voit ça souvent, les combattants dans n'importe quelle discipline, on revient souvent comme héros ou comme figure qui a motivé les combattants, mais Bruce Lee revient souvent parmi les gens à qui on peut discuter. Bah parce que je pense qu'il avait derrière l'homme, il y avait la philosophie, il y avait quand même cette histoire de réinverser le monde des arts martiaux. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il s'est fait quand même pas mal d'ennemis. Et en fait, tout doucement, on arrive à. On est arrivé, bah, par exemple, quand il parlait de grappling, quand il parlait de Jeet Kune Do. Enfin, on est arrivé quelque part à la façon du Jeet Kune Do. On est arrivé à voir que ce qu'il disait, c'était pas faux, c'était que pas. Que ce n'était pas que pour les films. Les films, c'était l'acteur. Et derrière, il y avait l'artiste d'arts martiaux. Et la philosophie du mec était assez incroyable. Donc, voilà, c'est une petite marque de fabrique. Bon, vous n'êtes pas plusieurs, là. Je vais te laisser après ça, Fred. Je m'excuse, là, mais j'ai tellement envie de vous poser des questions. J'en ai dit qu'il y a J'ai l'impression d'être chez moi, là. Ouais, mais c'est très gentil. Ben, écoutez, les combattants de K1 là, qui font le tournoi annuel, c'est seulement 8 par année. Puis à un moment donné, ça doit être presque une confrérie. Quels sont vos sentiments à propos de Sammy Shield? Sammy Shield? Oui. Tu sais, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Donc, il n'y a pas de shit talking, tu vois. Okay. C'est ce que j'aime. Tu sais, rien ne vaut une bonne droite qu'un mot qui dérape, tu vois. Ouais. Donc, non, on se côtoie, mais c'est faux, quoi. On ne se côtoie pas. Oui, j'ai pas, par exemple, avec Peter Hart ou Ernesto Hoost, à l'époque, j'avais quand même plus de relationnel, tu vois. OK. Et avec c'est Michel, c'est du respect, mais ça en reste là, c'est ça? Ah non, je n'ai pas respect. Non, non, non, non. Je respecte pour le champion qu'il est, mais c'est pas. Non, non. J'ai plus l'âge. Non, je respecte sa carrière, c'est clair, mais non, c'est pas. Parce que dans le mot respect, il y a le mot peur, donc j'aime pas trop. Ah, OK. J'aurais aimé revenir juste un instant peut-être sur Jonathan Chamber que vous parlez beaucoup. Yes. On nous dit souvent, nous autres qui suivons le MMA, que beaucoup de combattants apprécient. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être il a amené vraiment quelque chose que vous attendiez pas, un nouveau aspect à votre entraînement? C'est clair, tu sais, quand tu sors chez lui la première fois et que si tu as fait la bêtise de manger dans les 2 heures qui précèdent l'entraînement et que tu vas vomir et que l'acide lactique prend toute forme dans ton foie, tu sais, ouais, tu commences à. Déjà, moi, j'appelle ça, c'est pas une salle d'entraînement, j'appelle ça un laboratoire. Pour moi, c'est un médecin. Il va pas te faire travailler toi comme il va me faire travailler moi. C'est un mec qui aime les sports de combat, qui aime la boxe, qui aime le karaté, qui aime la lutte. C'est quelqu'un que j'adore, voilà. C'est pas quelqu'un que c'est un mec que là, oui, là, je respecte. Mais c'est un mec, quelqu'un que j'adore, voilà. Donc, et je trouve qu'il a un procédé qui révolutionne la condition physique. Par exemple, moi, je sais que je commence à retrouver ma vitesse de bras d'autrefois. Et c'est quelqu'un qui te motive, voilà. C'est chaud qui est très très. Enfin, mais bon, par contre, il ne se lie pas à d'autres combats. Je sais qu'il va pas se lier avec un combattant du même poids que Georges ou avec un même poids que par exemple, il est vachement fidèle. C'est un mec. Tu vas pas le faire entraîner un autre mec que Rashad Evans ou un mec qui est dans la même écurie que lui. Il est très très fidèle. Moi, c'est un mec que voilà. Vous avez utilisé le terme laboratoire. Est-ce que vous utiliseriez ça pour l'ensemble du TriStar? Parce que le TriStar me semble toujours à étudier tous les détails qu'on peut penser. Ah, Fira, c'est très bon. Fira, c'est un chirurgien esthétique. Fira, c'est très, très, très, très, très, très bon. Que ça soit au sol ou en boxe pure, c'est un mec qui aime apprendre. C'est un mec qui a l'oreille bien tendue, qui regarde bien avec ses yeux et qui analyse très, très vite. D'accord? Jonathan, lui, c'est par rapport à la condition physique, au mouvement du corps, à la forme de ton corps déjà. Où il peut dire, voilà, faut faire ci, ça, ça. C'est 2 choses différentes. Maintenant, Firas, comme c'est dans une salle d'entraînement que j'avais l'habitude de voir, avec une cage, tout ça, ça m'a pas semblé, ça m'a. Le laboratoire, c'est vraiment quelque chose, tu sais, un laboratoire ou avec des machines que tu connais pas, ou avec, où est-ce qu'on pousse un traîneau, voilà, c'est des choses qui m'ont tellement semblé, aux antipodes de ce que je connais, tu vois, que j'ai appelé ça vraiment le laboratoire, tu vois. Il y a un beau partage, je trouve, Québec-France, parce que Georges Saint-Pierre a débuté un peu sous les ailes de Christophe Midou. Et Ouais, là, ça. c'est comme si Ouais. c'est comme un peu le contraire. Christophe Midou, qui est un Français, qui est venu aider Georges Saint-Pierre, puis qui a démarré, je pense, la carrière de Georges. Ah, Et Georges, puis, bien sûr, ouais. est-ce que vous avez eu des relations également avec Christophe Midou? Christophe, c'est mon pote, c'est mon ami, on était encore tout à l'heure au téléphone. Christophe, c'est mon ami, c'est voilà, c'est un mec que j'ai fait. C'est voilà, c'est ce qu'on appelle mon brat. Mon brat, c'est en russe, c'est-à-dire mon frère. C'est quelqu'un que j'ai besoin, n'importe quel kilomètre ou miles de la terre où il se trouve, je sais qu'il est là. Et pareil pour moi. Donc Christophe, c'est quelqu'un qui aime votre pays, tu vois. Qui moi, je l'aimais déjà avant d'avoir mis le pied dessus parce que il me parlait tellement de choses extraordinaires que il faut vraiment y aller pour y croire. Moi, j'adore. Moi, je pense que je vais m'installer très très prochainement à Montréal ou à Québec. Et puis là, très prochainement, je vais aller en Gaspésie parce que j'ai envie d'aller voir ces grandes plaines pleines de neige. Et voilà, j'aime vraiment votre pays. Voilà. Ah, ben ça, c'est super d'entendre ça. Puis, Ouais. bon, Jérôme Le Banner en K1, Jérôme Le Banner en boxe, 2 fois 2 combats en boxe anglaise cette année, 2 victoires par KO. Maintenant, en MMA, est-ce que vous voulez vraiment diversifier les plaisirs ou là, peut-être dans le futur, vous allez Le vous truc consacrer. du MMA, c'est parce que j'ai commencé à tourner avec différents mecs là-bas à la salle et qu'on m'a dit putain merde, on m'a dit putain en langue québécoise, on m'a dit c'est pas si pire. J'ai dit pas si pire, vas-y. En fait, j'étais avec John et je tourne avec un mec qui a fait l'Ultimate Fighter le dernier en poids lourd, que John s'occupe, un mec de Hawaï. Et en fait, je tourne avec lui au sol et il me regarde, il fait putain, au sol, t'es pas si pire. Hein. J'ai dit bah non. Et donc, on est venu de là. Il m'a dit, et après, si tu veux, j'ai senti que ça lui ferait plaisir, bon, enfin, moi, ça me ferait plaisir déjà, de rentrer dans un truc nouveau avec ce mec-là à côté de moi et Firas. Tu vois, voilà. Est-ce qu'il y a un autre français là, qui est prêt? Puis là, je ne veux pas utiliser le. Ben, je pense que je vais l'utiliser. Jérôme Ouais, Lebonheur, excuse. encore un. Vous êtes une légende. Oui. Mais est-ce qu'il y a un Français qui va qui arrive là? Est-ce que Patrice Quatermain pour Quatermain plutôt est peut-être prêt à prendre la Patrice relève? Carton. Oui. Est-ce qu'il est prêt pour le K1? Moi, je dis oui. N'importe qui, tant qu'il a la volonté, je pense que bien sûr, ouais, bien sûr, ça, il est prêt. Maintenant, ouais, je pense qu'il va aussi. Ouais, non, non, je pense qu'il est prêt. Ouais. Moi, peu importe ce qu'il a raconté sur moi, tu sais, j'ai un peu la sagesse maintenant qui fait que qu'il parle en premier avant de. Avant la réaction et tout. Et donc, je lui souhaite, écoute, je lui souhaite bonne chance. Et s'il pouvait vivre 30% de ce que j'ai vécu, écoute, j'ai vécu mon rêve, tu sais. On parle de ça souvent avec avec Georges ou même avec John et tout, c'est que je me réveille le matin et j'ai fait j'ai fait, j'ai cru un rêve, j'y étais. À l'époque, c'était pas encore comme maintenant où c'est vachement populaire. OK? Donc moi pour moi j'étais un élu. Je trouve que c'est et ce sport je le dois beaucoup. Même en ce moment, même au cinéma, je retrouve des. On dit que j'arrive à avoir des sensations et les refaire, enfin faire transmettre des sensations très rapidement. Je pense que c'est par rapport à ce que j'ai vécu la souffrance à l'entraînement, la souffrance d'une défaite, les joies d'une victoire. Et puis beaucoup de frustration quand on fait un match de merde. Donc je vois voilà ça. Donc ce sport m'a beaucoup aidé. Donc je souhaite à Patrice malgré tout ce qu'il a dit. Tu sais, je pense que c'est plus parce que c'est une question un petit peu. C'est moi. Tu sais, tu imagines l'histoire d'un mec comme Patrice qui va dans une rentre dans une salle de sport, qui va voir son médecin, qui va chez le boulanger et qu'on lui dit ah vous êtes bon là, on parle de vous et tout, mais bon il y a toujours Jérôme Lemaire qui est derrière. Jérôme Lemaire, de toute façon, il a bientôt fini. Et puis, je trouve que forcément, ça va être rageant. Mais bon, il a pas. Je pense qu'il y avait d'autres façons de faire. Et voilà. Mais j'y souhaite bonne chance. Moi, je suis pas envieux du tout. Non, mais vous n'êtes pas en situation Non. d'avoir de l'envie. Je pense que c'est Non. plus les autres qui sont là puis qui voient la légende puis qui veulent arriver à faire peut-être juste le quart de ce que vous avez fait. Ça serait quelque chose, un bel accomplissement. Ouais, Parce mais que même maintenant, par rapport au cinéma, je pense que, tu sais, là on m'a offert deux rôles qui n'ont rien à voir avec la boxe, tout ça. Et donc, où est-ce qu'il y a du texte, où est-ce qu'il y a de la situation artistique, tout ça. Donc, moi j'aime ça, j'aime jouer avec les mots, j'aime donner de la vie à des mots, j'aime donner de la vie à un personnage. Et quand tu arrives et que le réalisateur est content, c'est comme si que tu fais un bon fight, tu vois. C'est quelque chose qui. J'ai ressenti la relativité entre une scène bien faite et le fait de gagner un combat. Ça, j'ai retrouvé une fois en Espagne cette année, quand on faisait le film Bruck sur Napoléon, j'ai retrouvé certaines sensations que j'ai pu trouver à l'époque en boxe. Oh, vous avez fait un film sur Napoléon? Ouais, on a fait un film avec Vincent Pérez. Ok. On a fait Vincent Pérez donc qui a joué dans Crow, qui a joué dans Fanfan de la Tulipe, Cyrano de Bergerac. On On le a joué connaît au deux. Québec aussi. Ouais. Oui. Et donc là, c'est donc on a joué pendant 2 mois dans les montagnes sur une légende napoléonienne, où est-ce qu'il y a un enfant d'Espagne, un catalanais, un catalan, défie l'armée napoléonienne. Et donc là, on est là pour le retrouver. On tue sa famille et puis en fait à la fin on ne sait plus qui court après qui et après donc ça pendant 2 mois et puis j'ai rencontré d'autres réalisateurs mais je pouvais pas faire de film qui avait rien à voir avec la magie de la boxe ou la magie du sport des gens qui m'avaient vu dans d'autres films et qui pensaient que j'étais apte pour faire ce métier donc et juste après je suis parti à Montréal pendant 2 mois faire un film avec Michael Youn, Fatal Bazooka donc qu'on a tourné 2 mois à Montréal. Et peut-être pour finir, pouvez-vous nous dire c'est quoi le plus récent film ou le prochain film qu'on peut vous voir dedans? Le prochain film, c'est un film qui s'appelle Bruck. Donc, c'est la légende de Bruck. C'est Daniel Ben-Meyer, le réalisateur. Et ça sera normalement courant avril. Et au mois de juin, le 16 juin en France, il y a la grosse distribution du film Fatal Bazooka. Donc, avec Michael Youn, et puis Stéphane Rousseau. Ah, un Québécois. C'est ça, yes. Votre deuxième rencontre, puisque vous avez, je pense. Avec Stéphane, un mec que j'adore, qui est super sympa. Ben, hey, Jérôme, on peut que vous remercier beaucoup. Ben, d'abord, pour tous les combats que vous m'avez permis de voir avec vous. Où je l'ai fait, honnêtement, je réponds à ton appel. J'ai répondu à ton appel, tout simplement parce que tu es dans le pays de la fleur de lys, et c'est un pays que j'adore. Et ça aurait été un Français, j'aurais pas fait. Parce que tout ça, de parler sur moi-même, ça m'énerve. Donc, je l'ai fait parce que, voilà, Québec. J'ai vu derrière, j'ai eu ton interview avec Vigneault et tout ça. Et donc, voilà. Donc, je l'ai fait parce que tu es Québécois et moi, voilà, tu es du Canada. Ben, merci beaucoup. Puis c'est un beau message, je pense, parce qu'à 36 ans, vous pourriez facilement être blasé parce que vous avez eu tellement de succès dans le passé. Je l'ai été blasé. Oui, hein, vous avez. Parce que ça doit être difficile de trouver la motivation. Après avoir combattu devant 75 000 personnes en finale face à Ernesto Hoost en 2002, après être adulé par plusieurs, c'est ça, je pense, la clé du succès, c'est retrouver le plaisir en entraînement. Le truc, je vais pas jouer les. Mais j'avais pas d'équipe, tu comprends? J'ai jamais eu une équipe derrière moi parce que j'en voulais pas, parce qu'en France, la mentalité n'est pas comme celle au Québec, c'est complètement différent. Il y a beaucoup plus de c'est pas net. Donc moi j'aurais eu une équipe comme là en ce moment, avec des gens soudés qui sont là pour que tu gagnes, et je pense que j'aurais eu encore une autre carrière. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, quand tu t'entraînes tout seul avec ton poste de radio chez toi, la motivation ne vient plus, c'est clair. Et là elle est revenue, c'est bien. Mais j'espère qu'on va pouvoir vous voir encore longtemps. Peut-être comme Randy Couture, qui à 46 ans fait encore. Il chauffe les oreilles de plusieurs genoux. Non, c'est clair. Enfin, il a commencé plus tard, je pense, à prendre des coups dans la gueule. Je pense qu'il a commencé un petit peu plus tard. Il a fait, ouais, bien sûr. Donc, voilà. Un gros merci, monsieur Le Banner. Et on est heureux de vous accueillir à Montréal. Et j'espère qu'on pourra refaire une autre entrevue similaire. Je reviens à Montréal le 13 décembre. Jusqu'au 23, et après je pars en vacances dans les Laurentides et puis en Gaspésie. Voilà. Alors, on vous souhaite le meilleur, monsieur. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, enfin une très bonne fin de journée. Merci, au revoir, et à la prochaine, on l'espère. Au revoir.